je sors de ma loge comme devant vous. Il y a longtemps à Saint-Malo, quand certains disaient que la musique ne nourrit pas son homme. Mon verre n'est pas grand, mais depuis longtemps, je bois toujours dans mon verre. La musique en verre de la musique. Mes temps de loisirs sont sacrifiés, heureux ou même malheureux. Je ferai de sorte pour démontrer que la musique nourrit le monde. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. La musique joue d'importants rôles dans le monde vivant. Bon, je chante, je vis, je me demande quand viendra l'acclamation.